Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue à cette édition des Palmarès, c'est fou pour la semaine du 15 au 21 novembre 2010. Salut Stéphanie Gagné. Salut Mathieu Plante. Salut les palmiers. Salut les palmiers aussi. Oui. Cette semaine, on a un très beau palmarès. On est revenu avec quand même pas mal de nouvelles entrées. On a 8 nouvelles entrées, 4 de chaque côté, côté francophone et anglophone. Du côté franco, on a les frères Goyette, Bernard Adamus, Jérôme Dupuis-Cloutier et Paul Carniello. Et du côté anglophone, c'est Winter Sleep, Gaslight Anthem, une nouvelle pièce de Weezer et de Danko Jones. On commence avec Paul Carniello, en français, hein, c'est Paul Carniello. Et la formation de Frontline, donc Paul Carniello and the Frontline, c'est le nom au complet. L'album, c'est La Course des Loups et voici la pièce titre à l'instant même dans les panneaux assez fous au 89.1 FM. Et après ça, qu'est-ce qu'il y a plus tard dans l'émission? On va avoir un instant classique et la chronique Guess What? Ben oui, on a tout le temps les annoncés au début de l'émission, hein. Là c'est fait. Hein? C'est fait. C'est fait. Frustration ants in fisticuffs. Sit at home.

Sleep avec la pièce Hang On de leur dernier album Hurley. C'est une nouvelle entrée cette semaine, 19e position. Weezer, par exemple. Mais t'approches, là, mais... Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit Winter Sleep. Pour vrai? Mais t'étais proche. Parce qu'on l'a dit, on a parlé de Winter Sleep avant. C'était à cause de W aussi. W, ouais. Weezer, ou comme on dit en français, Weezer. Weezer. Avant ça, c'était Jérôme Dupuis-Cloutier avec Johnny Johnny Malaise. Tu parles d'erreur de prononciation, toi, c'est bon. Johnny Malaise, l'album s'appelle Gentleman Refroidi. Oui. Bon. On est rendu aux positions numéro 18 et 17. On va les entendre dos à dos. Du côté anglophone, tout à l'heure, il va y avoir Winter Sleep et The Gaslight Anthem. On commence avec Bernard Adamus, 18e position, avec Brun, la couleur de l'amour. Vous écoutez le condensé de la meilleure musique que c'est faut à vous offrir, mais pas des meilleures prononciations de choses, par exemple. Puis rempli d'erreurs aussi. Bah non, c'est mais là, c'est vraiment Bernard Adamus. Oui? C'est pas Winter Sleep, c'est pas Weezer. Qu'est-ce Bernard que c'est? Bernard Adamus. C'est bon? Y a rien qui rime avec Adamus. Hein. Non, rien du tout. Aucun mot. Non, y'en a pas. Détrompez-vous. Six-pack de brou, oublier que je m'ennuie. Deux, trois pintes avec mon chum, mais assis au bord, on est prêt à s'oublier. Oh non, je veux rien savoir. Quand en plein jour, j'ai peur du noir. Quand je suis sans traque avec la gueule qui shake, le dick à broil, pis le cerveau à bake. Mais t'as le goût. Ta vie d'avoir de plein la face. Salut Ryan, c'était un autre jour de pluie. Je suis capitaine de mon propre ennui. Bras, la couleur de l'amour. Bras, la couleur de l'amour. J'ai de la marde dans la bouche. Plus j'y pense, moins je peux m'en rappeler. C'est le mois de décembre ou bien le mois de mai. Mais tout coule, tout recommence. Plus t'approches, puis plus ça t'avance. Tu flottes quelque part dans un océan de bière. Pourquoi tu ris? Aujourd'hui c'est comme hier. Mais t'as le goût. Ta soif, ta vie d'en prendre plein à la face. Salut Rogan, c'était un autre jour de pluie. Je suis capitaine de mon propre ennui. Bras, la couleur de l'amour. Bras. Si demain matin il déclare des élections, moi puis lui on vote pour que tu reviennes à la maison. Pour que ça soit drôle, faudrait au moins que ce soit le fun. La toune est là, mais je la chante à personne. Quelque chose arrive ou bien quelqu'un arrête.

Winter Sleep et Preservation de leur album New Inheritors. C'est en position numéro 17 anglophone. Excellente pièce, je trouve. Je l'ai vraiment aimée. J'avais hâte d'entendre du nouveau Winter Sleep. Côté francophone, à la 17e position, c'était les Frères Goyette avec Mercury, Pierre, Mercure. Ouh, ça aussi, j'aime ça, les Frères Goyette. Très bon. Ça parlait de hockey. Oui. Que tu connais beaucoup. Ah, moi, un grand fan avec les bâtons. Okay. Il est présentement inséré l'heure à laquelle vous nous écoutez ici. C'est le moment de passer à notre section ailleurs dans les palmarès. Parce que pour ceux qui ne savent pas encore, les palmarès, c'est fou. C'est plus que seulement un top 20 francophone et un top 20 anglophone, n'est-ce pas? Absolument. On a l'électronique, l'art, on en a le top 30 des CD. On a aussi le top 3 des 10 canadiens. Ben, commençons par le top 30 des CD, pourquoi pas? Pourquoi pas, allons-y. Pas de nouvelles entrées cette semaine, donc faisons le top 3. En troisième position, c'est OK Go avec Of the Blue Color of the Sky qui monte de deux places. 24e semaine de présence. Wow! Je pense... Ah non, c'est pas le record. Non? Ah ben non, ben je vois... Non, t'as raison. 29 semaines pour Danko Jones avec Below the Belt. En deuxième place, c'est stable, Brand Van 3000. Brand Van 3000, hein, moi avec mes références anglophones qui pensaient que c'était un groupe anglophone. Finalement, c'est pas mal du monde en français dedans. Ouais. Oui, salut Montréal. J'avais pas vu ça partout, moi. The Garden est le nom de leur album. Me voilà en train de prouver mon manque de culture. En première place, c'est stable, 22e semaine de présence pour Golden Bombay de Mr. Valère. Pour le top 3 des 10 Canadiens, première position, parce que moi, j'ai décidé de faire ça à l'envers. Ah, original, toi! Land of Talk avec Cook and Cypher qui reste stable. Deuxième position, stable aussi, Tokyo Police Club avec Champ. Et troisième position, stable aussi, Chilly Gonzalez avec Ivory Tower. C'est vrai que c'est un palmarès, on n'a jamais dit que c'est un décompte. Décompte, ça va vers le sommet, mais palmarès, c'est généraliste, pas mal comme terme, ça. Top 10, Loud, maintenant, nouvelle entrée en première place, donc on va faire le top 3. Hein. Troisième position, c'est stable, Blind Guardian avec At the Edge of Time. En deuxième, c'est l'ancien numéro 1, Murder Dolls et Women and Children Last. Et finalement, en première position, c'est une nouvelle entrée, Cradle of Filth avec Darkly, Venus Versa. Wow. Pour le top 10 électronique, il n'y a pas de nouvelle entrée non plus. Alors, on va faire le top 3. Numéro 3, Lovers avec Dark Light. Deuxième position qui reste stable, Gold Panda avec Lucky Shiner. Et première position, stable aussi, Handful of Snowdrops avec Mort en direct. Et si on est chanceux, d'ici la fin de l'émission, on devrait pouvoir entendre un extrait de ce top électronique. Ouais. On retourne dans notre palmarès. On était rendu aux positions numéro 16, si je me trompe pas. Du côté anglophone, en 16e, on retrouve Our Book and the Authors avec la version remix et de Kids. Ça monte de 3 places. C'était le beau la semaine passée. Oui, côté francophone, on va entendre Carquois avec Pyromane qui monte de 3 positions. Et reste avec nous. Plus tard, on a la chronique culturelle avec des nouvelles culturelles, mettons. Guess what? Et on a aussi un instant classique qui s'en vient plus tard. Are you serious? So many things. Je sais pas. Ben des affaires, finalement. Ben des affaires, mais on a ben du temps. Ah ouais. c'est le fun. Prends le pas mal. Je suis creux. Dans la spirale, abus de butin, vapeur de kérosène, pyromane jusqu'au fond des veines. Yeah. 16. Our Book and the Authors et la pièce Kids remixée. Que j'aime tellement! Oh, c'est bon, c'est bon! Et ça, c'était la position numéro 16, donc montée de 3 places. Avant, c'était Carquois avec le Pyromane, 5e semaine au palmarès. Maintenant, ben, c'est le temps de relaxer un peu, de ralentir la cadence, parce que là, on fait des blocs de 4, ça arrête juste plus, là, on se met plein de musique dans les oreilles. Donc, on arrête ici, on saute par-dessus les positions numéro 15 du côté anglophone. On aurait entendu Land of Talk avec Quarry Hymns qui est stable. Et côté francophone, c'est Atomic Baobab avec la pièce Bombe cérébrale qui descend de 10 positions super vers la fin pour Atomic Baobab pour cette pièce-là. C'est sa 7e semaine au palmarès. On va entendre les 14e positions du côté anglophone. C'est The Saltines avec Last Train from London qui descend de 5 places. On va commencer avec Danny Placard avec Janine qui monte de 1 position. C'est sa 3e semaine au palmarès. Vous écoutez un condensé de la meilleure musique que Sifu a à vous offrir. C'est les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. 14. Hey, this is Scott from the Saltines. You're listening to CFOU 89.1 FM. The Saltines avec Last Train from London qui descend de la 9e position à la 14e place du côté anglophone. Avant ça, on a sauté par... Non, on a écouté aussi Danny Placard, c'est vrai, avec Janine. Ça monte d'une place, Caroline, qu'est-ce que je disais? On l'a écouté, ça? Oui, absolument, on l'a écouté. Puis on a aimé ça, en plus. Oui, vraiment. Oui. Maintenant, à la 13e position, plutôt, on va passer par-dessus Jésus les filles à la 13e francophone avec la pièce On verra. Descend de deux positions, c'est sa 7e semaine. On va aller directement à la 13e anglophone, c'est Diamond Rings. Voici Something Else au 89.1.

Katie Tunstall avec Still a Weirdo, c'est à la 12e position de son album Tiger Suit. Ouais, je trouve que ça fait un petit peu comme Orange Orange, on dirait que c'est des bruits de bouche qui en arrière. Ouais, c'est vrai. Orange Orange, non, t'as pas... J'aime pas Orange Orange, mais je suis d'accord que ça sonne un peu comme ça, les bruits en arrière. Bon, avant, c'était du côté francophone Jimmy Hunt avec Motocross qui descend de la 2e place, donc méchante chute de 10 positions pour Jimmy Hunt. Hein? C'est comme s'il s'était fait tirer dessus comme un araignée à la chasse, hein? Hunt, chasser, c'est le verbe. C'est drôle, hein? C'est ça. Maintenant, c'est le moment des nouvelles culturelles de la semaine. Voici Stéphanie Gagné avec Guess What? Guess what? Guess what? Guess what? Guess what? Qu'on se connaît? Guess what? Guess what? Qu'est-ce qui se passe, Stéphanie, cette semaine? Beaucoup de choses. Je pense que tantôt, je cherchais pour d'autres nouvelles, mais finalement, j'en ai beaucoup. T'en as beaucoup? Oui, j'en ai en masse. On va renseigner les gens. Oui, alors, je t'avais déjà parlé de Best Coast puis de Waves, du genre de pop surf californien. Eh bien, ils vont partir en tournée ensemble au début de l'année prochaine. Puis c'était vraiment juste une question de temps parce que Bethany Cosentino de Best Coast et Nathan Williams de Waves forment un genre de power couple dans les groupes surf, pop, californien, indie. Il y en a tant que ça pour que ça fasse ça. Ouais. Non, mais c'est vraiment, tu sais, ils sont assez connus comme étant le couple. OK. Bref. Donc, c'est ça, c'est la première fois que les deux groupes vont partir sur une tournée d'aussi grande envergure. Puis je trouve ça drôle parce qu'ils mentionnaient qu'ils ont choisi de le faire durant l'hiver pour apporter un peu de plage dans les endroits où il y a de la neige et du froid. C'est une bonne idée, j'aime ça. J'aime ça parce que c'est vrai que leur musique, là, c'est hyper Californie. Il faudrait vraiment que j'aille écouter ça. Plus. Oui, oui, super. J'aime la musique surf. Tu sais, genre Surfrino, je sais pas si tu connais, super bon. Non, je connais pas. Ouais. Alors, c'est ça, ils vont être de passage au cabaret du Mile End le 5 février prochain, si ça vous intéresse. J'avais parlé, il y a pas si longtemps, à vrai dire, j'en ai parlé vraiment souvent, de Damon Albarn, de Gorillaz, qui avait annoncé beaucoup de projets différents. Eh bien, il en a encore parlé cette semaine, il est vraiment intensément avec les médias ces temps-ci. Et il a annoncé que Gorillaz allait sortir un album d'ici Noël, et tu vas aimer ça, Mathieu. L'album a été complètement enregistré sur iPad. Oh yeah! Fait sur iPad, là, tout, cool. Là, tout l'album. C'est vraiment fou. Les applications pour la musique, il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup. Ah oui. C'est pas, connais pas ça. Ah oui, j'en ai plein. Moi, j'ai mon petit iPod pas touch, bien ordinaire. Classique, hein? Classique. Le classique avec le disque dur. Que... Mais moi, il y a 160 gigs. Oui, ben oui. Et tu utilises combien de ces 160 gigs, là? Quand même un bon, je sais pas, peut-être 70? OK. Pas 60? Si c'est plus ce que je pensais. Mais c'est parce que j'ai pas mal de films, d'épisodes, de séries téléphoniques. Ouais. Mais côté musique, j'ai 35 gigs peut-être. Quand même. C'est respectable, je dirais. Assez. Ouais. Donc, c'est ça. Et aussi, Damon Albarn a dit que, qu'il va avoir un retour avec Blur probablement l'année prochaine. Blur, le groupe rock légendaire des années 90. Alors, j'ai hâte d'entendre ça. Parce que moi, Blur, j'aimais beaucoup ça avec leur guerre avec Oasis et tout ça. C'était vraiment cool. Parlant de Oasis, la semaine passée, je t'ai parlé de BDI, le groupe de Liam Gallagher qui est en fait Oasis, mais sans Noel Gallagher. Sans le frère du gars, c'est ça? C'est ça, ouais. Ils sont chicanés, quelque chose de genre. Ouais. Ils se chicanaient tout le temps. Là. Le groupe s'est séparé un million de fois. Et là, c'est pour de vrai. Eh bien, la semaine passée, ils ont sorti la pièce Bring the Light qui était disponible sur Internet. Eh bien, cette semaine, c'est le vidéoclip pour la pièce qui est disponible sur Internet, si ça vous intéresse. Ensuite, dimanche passé, il y avait Gala Gamic. Oui. On a fait l'autre gala de la disque, là, Gamic. Donc, je vais vous dire un peu les gagnants. Il n'y a pas vraiment de grosses surprises, tant qu'à moi, je suis pas mal d'accord avec la plupart des gagnants. Bernard Adamus, qui est vraiment le grand gagnant. Il est trop partout, lui, sérieusement. Hein? Partout. Il est partout. Partout. C'est épouvantable. Artiste de l'année, Bernard Adamus. Chanson de l'année, La question à 100$. Révélation de l'année, Bernard Adamus. Et album Folk Country, son album Brun. Hey, hein? Donc, il a vraiment dominé cette année. Il a dominé la disque, tout, là. c'est vraiment quelque chose. Ouais. Ensuite de ça, là, je suis vraiment contente. Spectacle de l'année, Mister Valère. Ouais. Et je suis vraiment contente parce que Mister Valère, j'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de spectacles. Et Mister Valère, c'est mon spectacle préféré. Je capote. Les voir en show, là, sont écœurants. C'est le meilleur show ever. Ensuite de ça, étoile montante de l'année, ça aussi, je suis vraiment contente parce que moi, j'avais voté pour eux autres. C'est Random Recipe comme étoile montante. Dans le fond, j'ai l'impression que c'est tout ce que j'avais choisi quasiment. Vidéoclip de l'année d'Ekchou de Radio Radio. Album électro-rock de l'année We Are Wolves avec leur album Invisible Violence. Album hip-hop de l'année Belmundo Regal de Radio Radio. Et album pop de l'année La Fuite du Husky. Et ça, c'est très drôle parce qu'en entrevue, il a mentionné qu'il trouvait ça un peu drôle. Dans la catégorie pop, il avait l'impression d'être un peu une Céline Dion. C'est des gamiques. Mais bon, j'ai bien trouvé ça drôle, hein. Et c'est tout. C'est tout? Ben, il y avait d'autres gagnants, mais j'ai choisi les catégories les plus importantes. Les importantes. Ouais, ouais, les plus importantes. J'aime ça. Bernard ben, Adamus. Ceux qui ont plus de liens avec nous. Ouais, c'est ça. Mettons. Tu trouves pas qu'il est un petit peu trop partout en ce moment, Bernard Adamus, toi? Ou c'est juste moi? Non, je suis d'accord. J'suis... Surdose un petit peu, moi. J'ai pas l'impression que ce qu'il fait, c'est vraiment aussi hot. Est-ce que ça mérite autant d'éloges? Ça en ouais. mérite des éloges, OK? Mais même lui, il doit sûrement dire, là, je suis un petit peu trop partout. Ouais, c'est vrai. Ouais. D'après moi, il doit se dire ça, je suis sûr. Ça va faire, là. Passer à une autre nouvelle. Le spectacle de 12 hommes rapaillés qui ont gagné le Félix de l'album de la, de, du spectacle de l'année plutôt au Gala de la Disque vont retourner au Francofolie cette année avec entre autres Yann Perrault, Vincent Vallial, Louis-Jean Cormier, plein d'autres mondes. Ensuite de ça, non, celle-là, je vais la passer pour la fin. Tudor Cinema Club avec Tokyo Police Club vont être à Montréal le 16 janvier prochain au Club Soda. Wow, deux groupes qui s'appellent Club, ils vont être au Club Soda. Oui. Ça, c'est fort. J'aime ça. Et Tudor Cinema Club ont lancé cette semaine la pièce Kids qui était inclue seulement dans l'édition Deluxe de leur album Tourist History au Royaume-Uni. Est-ce que c'est rendu qu'il faut que chaque artiste ait une pièce qui s'appelle Kids? C'est-tu rendu une nouvelle mode si j'étais pas au courant? Je... MGMT, Our Book and the Authors, Tudor Cinema Club. Ouais. Mais ça va avec le baby boom que c'est dans ces Ah, tu vois. Mais c'est vrai. C'est la fête de tout le monde de ces temps-ci, hein? Hein? C'est Valentin et tout. Ouais. C'est ça. On se comprend là-dessus. Donc, ensuite de ça, The Strokes ont annoncé qu'ils avaient fini d'enregistrer leur quatrième album et il était temps parce que ça fait un an et demi qu'ils ont annoncé qu'ils commençaient à l'enregistrer. Ils ont enfin fini de l'enregistrer, mais par contre, l'album sortira pas encore pour quelques mois à cause de, du mixing et tout le kit, tout ce qu'il y a à faire après de l'avoir enregistré. Alors, il faut qu'on patiente encore un peu plus. Ensuite de ça, Cage the Elephant vont sortir un album le 11 janvier. Ça va s'intituler Thank You, Happy Birthday et on peut entendre deux pièces de l'album sur somekindofawesome.com, la pièce 2024 et Shake Me Down. Deux dernières nouvelles, une très intéressante que j'ai trouvée tantôt. Une nouvelle coalition regroupant des organismes et artistes de la scène émergente québécoise qui va s'intituler Alliance pour le soutien à la musique émergente. Donc, c'est ça, cherche à défendre le point de vue des artistes et travailleurs culturels de l'émergence qui sont souvent absents des processus décisionnels reliés à la musique. Pas de mauvaise idée, ça. C'est ce qu'on peut lire sur le web officiel de la nouvelle association. Parce que oui, j'en avais une autre. C'était par rapport à Spoon. Faut que je la retrouve. Spoon. Oui. Nouveau vidéoclip pour le groupe Spoon. C'est pour la pièce Nobody Gets Me But You de leur dernier album Transference. Mais moi, plutôt que d'écouter cette pièce-là, je vais faire écouter... Parce que sûrement vous connaissez pas la pièce Nobody Gets Me But You. Donc, on va faire jouer une pièce que vous connaissez peut-être de Spoon, qui a quand même eu un petit succès, tant qu'à moi. C'est The Way We Get By, qu'on a pu entendre à la télévision. Excuse-moi, j'étais complètement coupé. Ça avait comme pas d'allure. C'est à la télévision qu'on l'a entendu? Oui, dans The aussi. OK. Entre autres. Timing, là, c'est, ça va? Là? Ah, Spoon! The Way We Get By. Même pas, c'était pas malade non plus. T'sais. Dernière fois, mettons. Parle pas, là. Parle pas. Chiqui, go! That's the way we get by, so where we get by. All that's the way we get by, so where we get by. We go out in stormy weather, we rarely practice discern. We make love to some weird sin, we seek out. Spoon avec The Way We Get By dans la chronique Guess What. Et j'ai oublié de mentionner tantôt, Our Book and the Authors fait une reprise de cette pièce-là dans leur spectacle. Mais pas sur leur CD. Non, pas sur leur CD, pas sur Internet. Donc, il faut absolument que vous ayez les voir en spectacle pour entendre cette pièce-là. Une raison de plus, hein? Oh oui! Il en manque pas des raisons, hein? Non. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou. Merci Stéphanie pour ton blog Guess What. Très apprécié, comme toujours. You're welcome. On est rendu au position numéro 11. Du côté anglo, c'est Hooded Fang avec Laughing qui monte de 9 places. C'était nouveau la semaine passée. On va entendre Panache avec la pièce Bouvier-Bernois qui monte de 9 positions. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Et c'est dans les palmarès, c'est fou au 89.1 FM. Laughing you.

pretty girls on a Saturday night. Fun avec All the Pretty Girls, c'est à la 10e position et ça monte de une place. Juste avant, c'était Ripley avec Rockstar qui monte de 7 places. C'est sur leur album qui s'appelle aussi Ripley. On aime ça, hein, Fun? Oui, on adore ça, Fun. Est-ce qu'on l'a dit? Est-ce qu'on aime ça? On aime ça? On aime ça. On le dit qu'on aime ça à toutes les semaines. Est-ce qu'on dit qu'on est des fans de fun? On est des fans de fun. On est des fun fans. Ce qu'on aime moins, c'est les maudites faces de bonhomme sur Facebook. Je suis plus capable. Oh, ouais, je sais, j'avoue. J'allais le faire, mais en même temps, je me suis dit, je vois jamais sur Facebook pareil. Tu sais, c'était comme les faces de Pokémon parce qu'il y a un gars qui a créé Pokémon qui est mort. Il y a des Africains qui meurent à tous les jours, puis on met pas des faces d'Africains partout sur notre Facebook. Ben là, parle pour toi. En tout cas, pas moi. Ouais. Mais moi, j'allais mettre Mario Bros. Hein. Mais c'est pas un personnage. Ben, il a fait des dessins animés, Mario Bros. Mais tu sais, on s'entend que c'est pas un personnage de dessin animé à la base. Mais tu sais, autant qu'il y en a qui trichent, j'ai vu quelqu'un qui a mis Genie de I Dream of Genie. C'est pas vraiment un dessin animé. Non. Mais il y a un dessin animé d'elle dans l'intro de l'émission, fait que c'est peut-être vrai que ça compte. Ah, moi, avoir pas de vie puis faire ça, j'aurais mis Sailor Moon. Ah, oh, t'es pas fine, par exemple. Ouais. Sailor Moon, c'est Sailor Moon. Sailor Moon. Oui, tout à fait, avec les couettes, les longues couettes. Les longues couettes, là, puis le truc dans le front. Là. Ouais. On est rendu à la 9e position. C'est vrai. Restez avec nous parce que plus tard dans l'émission, vers les 16h quelques, on va avoir notre petit bloc Un instant classique avec les meilleurs moments d'assemblage requis présentés ici tous les matins, le jeudi de 7h à 9h. Ah, c'est fou, hein? Ça va être tantôt. Pas tout de suite. Non. On va l'entendre la position numéro 9 anglophone tout à l'heure. Rara Riot avec Too Dramatic, ça monte de 8 places. On va commencer avec Chantal Archambault avec la pièce Le poids à la bois. Chantal Archambault qui va être de passage à Trois-Rivières le 3 décembre prochain. Où ça? Au D'Artagnan pour les vendredis live. Je vais en reparler quand on va être plus près de la date, mais bon, juste vous le mentionner vite comme ça. Donc, Chantal Archambault avec Le poids à la bois, 9e position, ça monte de 7. Où ça, au D'Artagnan? Au D'Artagnan, Mathieu. Eh ben! J'ai le feu pris à l'intérieur de moi. J'ai le cœur qui vit un tremblement dans tes yeux. Je me dépose entièrement. Retour Rara Riot, Brand 23000 et Ariel dans les Panaras, c'est fou. C'est fou. 89.1. Numéro 9. On my black feet I run with all my heart to black shores and rivers. In spite of all I feel, Rara Riot et Too Dramatic, position numéro 9 anglophone, ça monte de 8 places. Juste avant, on a entendu Chantal Archambault avec le poids à la boîte, 9e position. Tout à fait, quel excellent bloc encore une fois, comme toujours, hein, parce que les palmarès, c'est fou, c'est quoi si c'est pas un condensé de la meilleure musique? Que du bon. Que du bon. Only the good. Oui. Oui. Et là, on va aller aux 8e position. Tout à fait. Côté anglophone, on va entendre Final Flash avec The Awakening, qui monte de 2 positions. Mais on commence avec Ariel. Voici Fringué pour le kill qui descend de 4 places. Et puis, tout à l'heure, ben, on va être de retour après le bloc des 7e. Il va y avoir un petit saut par-dessus une pièce. Mais on vous dit pas laquelle qu'on saute. Hein? Ouh, suspense. Mmh. C'est vraiment... C'est comme les finales de téléromans. Hein? Tu te demandes vraiment, mais qu'est-ce qu'ils vont sauter? Hé, hey, qui c'est qui va sauter? C'est comme une bombe, mettons, qui aurait explosé. Oui, Mathieu. Fringué pour le kill, prêt à flinguer pour le thrill, bien sûr. C'est qu'une figure de style, mais qui met sa langue sur l'épaule de ma pile. C'est folle, t'as beaucoup de folle, c'est ça. Chaque seul

Night Moves de Chili Gonzalez, c'est la position numéro 7 anglophone, ça descend de la troisième place et c'est très bon. Et c'est très bon. Oui, en effet, on a passé par-dessus la 7e position du côté francophone. C'était Alex le Maniaque avec Monsieur Ballonnet qui montait de une position. Alors ça, c'est les 8e positions, Ariel et Final Flash. On est rendu au 6e maintenant. Je dois vous dire que l'émission continue jusqu'à environ dans 1h05, hein? Environ, oui. C'est précis, c'est environ dans 1h05. Drôle de façon j'aime de ça. Tout à l'heure, il va y avoir les instants classiques, les meilleurs moments d'assemblage requis. Ça s'en vient juste après 16h. Là, j'ai dit l'heure pour vrai. Juste après l'heure qui va se terminer là en ce moment, puis qu'il y en aura une autre qui commencera après. Hein? C'est pas pire, ça? C'est pas pire. C'est compréhensible? Pas vraiment. Absolument. Donc, position numéro 6 anglophone, c'est Brand Van 3000 avec You qui descend de 4 places. Et du côté francophone, c'est Waikiki de la Bataille Rose qui monte de 7 positions. C'est sa 4e semaine. C'est maintenant ou synonyme de ça tout ou de suite? Jamais. Ou jamais. Maintenant ou jamais? Ah! J'aime ça. Ouais. I'm not an actress. I'm a waitress. I'm not a waitress. Rocky grounds a rally to the top, like back in Cali, taking shots out in the valley where they fly. City blocks and kids converge to the birds with soccer moms and caravans. Love the jam. So much can be planned, like forgiveness to be lived. Feeling for another dose, getting high up who you is. Solar system, you can feel the vision. You can see the rhythm, lighting in the mission. Heart racing as we start gazing, taking in all that surrounds, baby. I ain't coming down, feeling for a crucifix that softens any heart the hardest. Believing even Adam had his feeling in the garden. Believing dreams you have and fathom bliss within your reach. Stretch beyond imagination, learn the lessons they can teach. Without wings, we lift off, drift off and get lost. Only to follow much closer than we first thought. Only to shine in the darkest of times. Harvest divine, plant seeds for future to find. In my heart, I'ma keep you in mind. Just to get by, cause an image of you's enough to get high. Run 23 000. Oui, avec la pièce You à la sixième position, ça monte de 4. Avant ça, du côté franco, c'était la Pâte à Rose avec Waikiki qui monte de la 13e position. C'est la fin de la deuxième heure des Palmarès Ifo, mais il y en a une troisième dans quelques secondes à peine. Une chance! Qu'est-ce qu'on ferait sinon? Il reste comme le top 5 hein, quand même. Hein? C'est ça, il reste le top 5 de chaque côté. Il reste aussi un instant classique qu'on va entendre sous peu avec les meilleurs moments d'assemblage requis. Alors, restez avec nous! C'est la troisième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 15 au 21 novembre 2010. Stéphanie Gagné devant moi. Et elle fait du lip-sync sur toutes les publicités. Oui, ben c'est ça le fun. Tu sais, à la radio, les gens aiment ça pouvoir chanter sur les chansons qu'ils jouent. C'est pour ça qu'ils écoutent des radios qui jouent des affaires. En tout cas, peu importe, là, c'est votre avis. Oui. nous ici, ben c'est ça, on fait la même chose avec les pubs. Fait que, c'est pour vous donner quelque chose à mimer avec vos lèvres. Et donc, moi, je chante. Mathieu Plante fait des blagues. Oui, je danse. Tu chantes, je danse. Hein? J'aime mieux pas. Bon, donc on va passer aux prochaines positions. On était rendu aux positions numéro 5. Du côté anglophone, on retrouve Random Recipe avec Something on My Mind. C'est stable. Et du côté francophone, c'est 354 Barry avec la pièce Ram qui monte de 7 positions. C'est sa 6e semaine au palmarès. Et juste après ça, on revient avec un instant classique, les meilleurs moments d'assemblage requis. On a hâte. Mm-hmm.

Black Mountain et Old Fangs en position numéro 4, ça monte de deux places. Juste avant, c'était Jérôme Minière avec Des pieds et des mains de son album Le vrai, le faux. Oh oui, ça c'est vrai. Je dirais. Pas faux du tout. Non. Du tout, not at all. On est rendu à la position numéro 3. Du côté, ben, aux positions, il y en a deux de chaque côté. Il y en a une de chaque côté, il y en a deux en tout. Vous aurez compris le concept. Une francophone, une anglophone. Il y a comme 40 pièces par émission, 3 heures par semaine depuis comme le début de la session. À un moment donné, on s'habitue. Hein. Du côté anglophone, c'est Humans avec mes mecs. Ça monte de 4 places. Et côté francophone, c'est Je m'excuse, je t'aime des vulgaires machins qui restent stables. C'est leur 5e semaine. Et on écoute ça au palmarès C'est fou, 89.1 FM. Rock on! Non, dis plus. Non, je dis pas ces affaires-là. Mais... Non, dis plus jamais ça. Retour au Kego, Mister Valère, JP Dalpé et Alex Nevsky au 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou.

Mister Valère et la pièce Gumshoe, l'ancien numéro 1 du côté anglophone, c'est maintenant la position numéro 2. Avant ça, c'était Alex Nevsky avec Sous les stroboscopes qui monte de 12 places. Maintenant, avant de passer à nos numéros 1, il nous reste un minimum de temps. On va reculer en arrière un petit peu plus tôt dans l'émission. On avait sauté par-dessus une pièce, donc reculons ça à la cachette, la cachette. Un petit peu plus loin encore. OK. Ah, là, là. Land of Talk, Quarry Hymns en 15e position. Au palmarès, c'est fou. Loaded in the stone. Dog et Quarry Hymns stable en 15e position. C'était notre petit rembobinage de la journée. On revenait un petit peu à plus tôt dans l'émission parce qu'on avait sauté par-dessus. Et là, on est rendu aux positions numéro 1. Stéphanie, gagné. Oui. Ben oui, position numéro 1, toi. Ça avance vite, hein? Tu veux faire des jeux de mots? OK, ben... OK. C'est un classique. Ouais, ben, on n'a pas mal le choix. À un moment donné, c'est comme... Away, vas-y. Fais des jeux de mots. Celui-là, ça l'avait pogné, ça va? Non. Non? OK, go. OK, go. Comme dans Away, vas-y. Ah! Ah! Il faut supposé expliquer après, par exemple. Mais bon, je... Bref, je les explique pendant. Tu sais, il y a rien là, je veux dire, à un moment donné, tu sais... pas comme si j'étais sur le droit chemin. Moi, des fois, je prends des mauvaises tracks puis je déraille vers dans la forêt, tu sais. Mais je sors jamais dehors, fait que le jeu de mots de la forêt n'a pas vraiment de sens, mais tu comprends ce que je veux dire quand même. Hein? Absolument. C'est ça, fait que c'est ça. Ça valait vraiment pas très, très haut aujourd'hui, hein? Vraiment pas. Moyen, mettons. Est-ce que tu veux me talocher, mais avec le revers de la main, comme avec tes jointures, comme... C'est une white knuckles. Ouais, ouais. J'ai compris. Négociation, adressez-vous à son... C'était les premières positions des deux côtés pour les palmarès. C'est fou. Avant de dire le numéro 1, petit récapitulatif très rapide. Humans, Mr. Valère en troisième et deuxième position anglophone. OK Go, qu'on vient d'entendre avec White Knuckles, monte de trois places en première. Côté francophone, troisième position, Vulgar Machin. Deuxième, Alex Nevsky. Et la première position, Mauvaise Track de JP Dalpé. On va se quitter dans quelques secondes avec une pièce de la formation québécoise Handful of Snowdrops tirée de l'édition remasterisée de l'album Mort en direct paru en 93. C'est des pièces enregistrées lors de leur deux derniers concerts du groupe donnés en mars 93 à Québec. C'est la pièce Alice in Wonderland Live qu'on va entendre juste après la chanson thème finalement. Hein? Stéphanie, reste avec vous pour une pêche en mission pour les auditeurs du jeudi. Qu'est-ce qui s'en vient? Ça va être une excellente émission. Metric, Malageux, B.I.A.S., VXX, plein d'autres bonnes choses. C'était une belle ambition. C'est les jeudis à partir de 17h, on rappelle, les mardis à 15h. Les auditeurs du vendredi vont aller rejoindre les Lutins de l'Enfer à partir de 20h. Donc, reste à l'écoute. Et moi, je vous retrouve lundi matin à 7h pour Assemblage requis. Stéphanie, bonne émission. Merci, bonne semaine. Bonne fin de semaine, les petits palmiers. Bye, bye.